gestes sont pareils, identiques au rituel. Un couple quoi de plus naturel, le début d'une famille qui s'éveille. Mais tout ça n'a pas de franchise, mais tout ça me rend livide. Quand le poids des coups déchire, une odeur de mort vient séduire cette passion qui va noircir.